On va parler de golf. Une nouvelle assez surprenante qui était connue hier. On savait que le club de golf de Saint-Prime était à la recherche d'un directeur général depuis le départ de Roger Caron, qui a quitté l'an dernier. Mais surprise en apprenant ça hier matin. Bon, on le savait depuis dimanche. Une personnalité très connue de Dolbeau Mistassini qui maintenant devient le nouveau directeur général du club de golf. Il s'agit de Junior Junot. On va lui parler. Salut, Junior. Salut, Danny. Junior. Qu'est-ce qui a motivé le choix de s'en aller au directeur général du club de golf de Saint-Prime? Ben, en fait, c'est une réflexion que j'ai eue il y a de cela un certain temps. Bon, ça fait maintenant, on le sait, là, ça faisait tout près de 20 ans que je travaillais pour la même entreprise. Et puis, bon, après un certain temps, on se remet en question. La fin de quelques années, bon, le début de la quarantaine, puis on se pose des questions à savoir, bon, qu'est-ce qu'on veut faire de notre carrière, etc., etc. Puis, bon, on se souvient aussi que j'avais passé 5 ans comme président au club de golf de Dolbeau. C'est des années que j'ai adoré, bien que ça n'a pas été nécessairement facile, là, mais j'ai adoré ces années-là. Ce qui fait en sorte que quand j'ai vu la possibilité de me joindre au club de golf de Saint-Prime, ben, après mûre réflexion, le golf est une passion pour moi. Alors, j'ai décidé de faire le saut, puis de tenter ma chance pour obtenir le poste que j'ai eu. Donc, je suis très heureux, très, très heureux de me joindre au club de golf, dans le fond, le domaine Lac-Saint-Jean, domaine Lac-Saint-Jean. OK. Et puis, on est prête là à relever les prochains dans les prochains mois les défis qui s'en viennent là devant nous, parce qu'on sait très bien que bon, l'industrie du golf, que ce soit partout dans le monde, c'est une industrie qui est pas nécessairement facile. Les dernières années n'ont pas été ce qui est le plus facile. C'est des gros défis. Mais je suis pas inquiète qu'avec l'équipe qu'on a là à Saint-Prime, qu'on va être en mesure de relever les défis qui nous attendent. Quel défi? Ben, les défis, ça reste les mêmes que j'ai vécu moi dans le temps que j'étais comme président au club Adolpo. C'est toujours un défi de renouveler la clientèle, d'aller attirer la clientèle plus jeune. Okay. Autant les jeunes que la clientèle, là, je parle des jeunes là, de catégorie là, de 7 à 18 ans, mais aussi les jeunes là qui entre 18 et 40 ans, je dirais, là, cette clientèle-là, bon, n'est pas nécessairement, je dirais, attirée par le golf. En même temps, faut pas se leurrer que dans une région comme la nôtre, il y a la baisse démographique qui joue contre nous. Fait que ça, c'est le défi numéro un. C'est un défi qui nous amène des problématiques en termes de gestion. Au niveau financier, c'est bien évident. C'est un défi au niveau de l'achalandage. Donc, dans chacun des postes budgétaires, veut pas, c'est trouver des façons de rentabiliser le club. Fait que ça, c'est, je te dirais, c'est le défi majeur qu'on a à relever. Toujours travailler à aller chercher de nouveaux revenus. Démocratiser le golf, c'est un autre. Ça fait partie de ce défi-là. Souvent, les gens, bon, penser que le golf est réservé à l'élite, est réservé aux jeunes, et mieux nantis. Pourtant, c'est pas nécessaire, c'est loin de là la réalité. Quand on sait que bon, d'autres sports coûtent excessivement cher, jouer au golf, c'est pas nécessairement très cher. C'est des choses, ça, c'est des ben, je dirais ça, c'est des Les choses qu'on entendait il y a, là, je te dirais, 30, 35 ans, 40 ans, là, que bon, le golf est réservé aux personnes plus en moyen, que c'était difficile d'aller jouer au golf, il y avait pas de, les membres ne voulaient pas laisser de la place aux gens qui venaient jouer sur une base moins régulière. Fait que, tu sais, on se bat contre ça encore aujourd'hui. Fait qu'il faut travailler dans ce sens-là là, pour faire en sorte d'éliminer là ces préjugés là contre le sport qui est le golf, parce qu'il faut pas se cacher que on a un sport qui est extraordinaire en termes, là, autant, moi je le répète, là, que ce soit pour les jeunes. Quelqu'un peut commencer à jouer au golf à 10 ans, puis il peut jouer au golf s'il veut jusqu'à 90 ans, là, ou à peu près, là, si la santé est là. On parle d'un sport où il y a zéro violence, donc aucun danger de blessure, de commotion cérébrale, là, tu sais, avec ce qu'on attend, que ce soit avec le football, avec le hockey, des sports qui sont plus dangereux au niveau physique. Le golf, c'est pas le cas du tout. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits reliés avec le golf. Il s'agit de les faire connaître et d'en faire la promotion, là. OK. C'est génial si on parlait un peu de justement. Puis l'offre, il y a beaucoup d'offres actuellement. Là. Et là, il y a une nouvelle donne, le deck hockey, qui est très populaire, qui s'en vient de Lebeau, qui est bien installé à Saint-Prime aussi. Ça aussi, là, c'est vraiment un autre. C'est un autre sport qu'on n'avait pas au fil des années, puis avec la baisse démographique. Donc, ça devient de plus en plus difficile, là. Ben, c'est sûr que y a beaucoup d'offres, là, tu sais, que ce soit le deck hockey, l'été, là, tu sais, les gens, le bateau, que ce soit également, la forêt, ces choses-là, ça a toujours été là, mais la marche en sentier pédestre, le vélo de montagne, tu sais, le vélo de montagne, on n'entendait pas parler, le vélo, le cycliste aussi, là, le vélo de route, là, ça aussi, c'est une autre. Fait qu'il y a beaucoup d'offres. Les gens restent à dire qu'ils jouent quand même au golf. Il y a beaucoup de parties de golf qui jouent. Le défi, souvent, est plus au niveau du membership. C'est plus difficile d'accrocher du monde pour devenir membre. Faut être très créatif. Faut essayer de voir les différentes possibilités. Faut écouter le client, voir c'est quoi le client, les besoins du client. C'est fini le temps qu'on impose au client. C'est notre volonté, il faut écouter la volonté du client, fait qu'il faut faire avec ça aussi. Mais effectivement, l'offre est grande, fait qu'il s'agit nous autres au travers de ça, comment qu'on peut se démarquer, comment qu'on peut faire en sorte que les gens vont dépenser leur loisir chez nous au lieu de dans un autre sport, ben c'est là un défi qui est intéressant, non? OK. J'ignore si on parlait un peu. Le fait que c'est une gang qui est très, très dynamique, là. Que ce soit du côté que c'était Martial Bouchard, Roger Caron, c'était Gilles Larouche, c'était également l'ancien président, là, Rémi Kirkness. C'est très dynamique. Ça a été un facteur déterminant dans ta décision aussi, là. Ben, c'est sûr que les gens que tu viens de nommer là, ce sont tous des gens qui sont plus au club de golf, dans le sens qu'ils sont plus membres de l'exécutif. Fait que c'est des gens que je connais, c'est des gens que j'ai, au fil du temps, qu'on a côtoyé. Effectivement, là, que ce soit Rémi Kirkness, Gilles Larousse, à l'époque, je me souviens, là, le club de golf à Saint-Prime, ça allait pas très, très, très bien. Moi, à l'époque que j'étais président, ça passait proche d'y passer, comme on dit. Mais c'est ce monde-là qui ont relevé le club et qui fait qu'aujourd'hui, là, avec ensuite de ça, bon, l'arrivée de Martial Bouchard, l'arrivée de Roger Caron aussi l'an dernier comme directeur général, fait en sorte que aujourd'hui la situation du club de golf Saint-Prime est complètement différente. L'arrivée là cette année d'un nouveau président, M. Yannick Baillargeon, un gars qui est très dynamique, est dans la lignée des derniers présidents du club de golf de Saint-Prime, fait en sorte que ça assurément, là, avec le reste du conseil d'administration, qui eux autres aussi sont effectivement très enthousiastes, très dynamiques à la vue de la prochaine saison, je pense que c'est sûr que ça a été un facteur déterminant, parce que tu veux pas t'embarquer dans un poste de directeur général avec faut que les gens a la même mentalité que la mienne, dans le fond, là, d'une certaine façon, et moi, j'ai la même mentalité que eux ont également. Fait que ce côté-là, le fit a été super bon dès le départ, là. Fait que ça fait en sorte que, sincèrement, là, je pense qu'on risque de faire une bonne équipe. Ouais. Avec, évidemment, le reste de l'ensemble des employés, autant les employés de terrain, les employés à la pochop au restaurant, au niveau de l'administration aussi, avec Isabelle Guironi qui est en place. C'est des gens là de compétents, des gens d'expérience qui font en sorte que Évidemment, là, c'est tous des éléments qui ont penché dans la balance là, quand il est venu le temps de prendre la décision. Jean, tu es très, très connu à Dolbeau-Missassigny. C'est sûr que tu es beaucoup plus connu à Dolbeau-Missassigny que tu es connu ici, dans le haut, que tu es connu de l'autre côté. Tu as été président du club de golf de Dolbeau. C'est sûr que tu es... Est-ce que tu as l'intention de venir faire des activités pour les jeunes de Dolbeau-Missassigny? C'est sûr qu'il y a quand même une synergie entre les deux clubs. Il y a un très, très bon lien entre les deux clubs. Par contre, ton mandat, c'est de faire progresser le club de golf de Saint-Prime. Et tu es très connu à Dolbeau-Missassigny. Est-ce que tu as l'intention vraiment de venir travailler avec Dolbeau-Missassigny? Puis, même si tu veux pas, nuire un petit peu au club de golf de Dolbeau-Missassigny? Ben moi, je vois pas où je vais nuire pour le club de golf de Dolbeau, aucunement. Comme tu le dis, oui, je suis connu dans le milieu ici, quand même connu également dans le secteur de Saint-Félicien-Roberval, là, dans du temps de mon implication dans le multiconcessionnaire au niveau du Junior 3, là, l'équipe Junior 3 qu'il y a eu, là, dans les 3 ou 4 ans que j'ai été impliqué dans l'équipe, là, j'ai appris à connaître tous les gens de ce secteur-là un peu plus. Bon, oui, il faut continuer de travailler en collaboration avec notre club à Dolbeau. Je pense que ça donne à rien de s'embarquer dans des chicanes aucunement. Là, autant d'un côté comme de l'autre, on n'a rien à gagner de tout ça. Comme d'habitude, moi je dis toujours, j'invite les gens de Dolbeau du milieu, les amateurs de golf à venir découvrir, puis voir le terrain, venir jouer le terrain à Saint-Prime. Et vice-versa, les gens de Saint-Prime de venir jouer au club à Dolbeau, la même chose, là, tu sais, ça permet toujours le fun de jouer sur d'autres terrains que le nôtre, là, comme on dit, là, celui-là qu'on joue de façon régulière. Fait que ça, moi, il faut que ça continue de se faire. Il faut qu'il y ait un partenariat, il faut qu'il y ait de la collaboration qui soit faite aussi à différents niveaux, là. Moi, j'ai déjà des idées en tête là que j'attends de partager avec le conseil d'administration, là, mon conseil d'administration, qui par la suite, si on va de l'avant là-dedans, ben on va sûrement là discuter avec les gens ici là au club à Dolbeau pour voir avec eux, bon, si eux autres aussi pourraient avoir de l'intérêt à ce niveau-là. Dans le passé, on sait qu'il y a des échanges et des parties qui peuvent être jouées quand on est membre du club de Dolbeau, on peut aller jouer à Saint-Prime et vice versa. Fait que ça fait en sorte que moi, aucunement, là, je pense pas que je vais nuire, je vois pas de quelle façon je pourrais nuire au club de Dolbeau. Nous, on va travailler à faire en sorte, évidemment, de faire que progresser le club du côté de Saint-Prime. C'est mon objectif, moi, là, c'est mon rôle. Puis le reste, ben j'imagine, eux autres ici à Dolbeau vont faire en sorte, eux autres aussi, de faire progresser le club de Dolbeau. L'objectif, puis ça, faut le voir de façon régionale, l'objectif, c'est de faire la promotion du golf. Plus on va parler de golf, que ce soit à Saint-Prime, que ce soit à Dolbeau, que ce soit à Saint-Gédéon, que ce soit à Chicoutimi, Jonquière, peu importe, plus on va parler de golf, plus le golf va se porter, va encore mieux se porter. Puis ça va être positif pour tout le monde. Il va y avoir des retombées qui vont rejaillir sur tout le monde. Fait que je pense qu'il faut profiter de ça. Puis moi, quelque part... Il faut travailler main dans la main là-dedans, peu importe qu'on soit à Dolbeau, qu'on soit à Saint-Prime ou même à Saint-Gédéon. OK. Dis-moi maintenant, on va se parler, il me reste deux affaires que je veux parler. Je veux parler de l'état du terrain. Je sais que par les années passées, l'état du terrain, ça a été coussi coussa à Saint-Prime. As-tu l'intention, encore une fois, de travailler à améliorer l'état du terrain? Ben, du côté du terrain, comme tu le dis, là, bon, il y a eu des années qui ont été très, très difficiles financièrement pour le club, ce qui a fait en sorte que, bon, à ce moment-là, c'est où les gros postes budgétaires que tu peux couper, c'est sur le terrain. Souvent, c'est le premier réflexe qu'on a, on va aller couper sur le terrain, qui fait en sorte que la qualité du terrain veut pas toucher à la qualité du terrain. Mais depuis le redressement de la situation, depuis les changements aussi qui ont été apportés au terrain, là, avec la vente des terrains résidentiels qui a permis au club de sortir de leurs difficultés financières, il y a eu de grosses améliorations qui ont été faites au terrain. L'état, la condition du terrain, là, je suis obligé de te dire qu'était les dernières années, le terrain était splendide. Il y a du travail évidemment à faire parce que les trous qui ont été refaits ne sont pas à maturité. dans le sens que les arbres plantés, etc., là, font leur donner le temps de pousser, comme on dit, là, puis de prendre forme, puis de prendre racine. Les vers, etc., il y a encore du travail, malgré que l'hiver l'an dernier était dans excellentes conditions. Mais on va continuer de travailler en collaboration, évidemment, avec mon ami Roger Caron, qui, Roger, reste comme responsable du terrain. C'est un gars qui a de très grandes connaissances au niveau des terrains de golf, là, compte tenu qu'il a construit le terrain de Chibougamau. Fait que Roger, je peux te dire une chose de ça, c'est un élément qui était très important dans ma décision, là, la présence de Roger, veut pas pour tout l'aspect du terrain, là. Il va faire un travail, comme je le connais, qui va être encore une fois extraordinaire. Il y a déjà des choses de prévues dans les améliorations qu'il y a encore à faire au niveau des trappes de sable. Il y a des choses qu'il veut faire à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que ceux qui vont venir nous visiter là cette année, ou les membres, moi, c'est sûr et certain que la qualité du terrain va être à l'équivalent de celle qu'on a vue au cours des dernières années. Sinon meilleur, ça j'en suis convaincu. C'est ta carte postale. C'est vraiment c'est un beau terrain, les gens vont se passer le mot, vont se dire hey, c'est le fun d'aller à Saint-Prime, c'est vraiment c'est ça. Hein? Tu parles, ouais. Tu parles de carte postale, Danny, là, puis moi je l'ai toujours dit du temps que j'étais président même au club de Delbeau, puis j'allais jouer à Saint-Prime. Quand t'es sur il y a des trous là, que t'es sur le bord du lac Saint-Jean, là, c'est des plus belles vues qu'il n'y a pas dans tout terrain confondu là dans la région. Là, tu retrouves pas des paysages comme ça à Saint-Gédéon. Tu retrouves pas ça nulle part. Quelques trous, tu vas en avoir à Arvida et à Port-Alfred, sur quelques trous, là, quand tu vois là, le fjord avec le port de mer, là, quand il y a des gros bateaux, là, je peux te dire que c'est beau aussi. Là. Mais sur le bord du lac Saint-Jean, là, en plein été, quand il fait beau, là, puis le lac, là, c'est magnifique, là, je te dis, là. Fait que ça, c'est des décors qui sont superbes. Quand t'es sur le bord d'un terrain de golf, tu te dis, tabarouette, on se croirait au paradis, comme on dit. Ouais. Mais, puis moi, j'ai toujours, tous les années que j'étais président, toujours dit, on est en faut livrer un terrain de qualité, un terrain qui est bien entretenu, un terrain qui est propre, qui est le fun à visiter, que les visiteurs sont qu'ils viennent puis qu'ils te disent après vous avez un beau terrain, vous avez des verres qui sont beaux, vous avez un terrain qui est propre. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'on va continuer dans ce sens-là. Là, moi, en tout cas, puis Roger, c'est l'objectif lui aussi qui recherche. Là, fait que je pense qu'on va bien s'entendre de ce côté-là, ça c'est sûr. Ouais. Il me reste deux points, Junior. Je veux te parler d'abord du gros week-end golf qui est au mois de juillet. On a deux joueurs vraiment qui sont vraiment de statut provincial et pas loin de la du c'est quoi le circuit qui s'appelait Nationwide avant là. Web.com. On n'est pas loin du Web.com. Ils sont pas loin du Web.com. Est-ce qu'il y a un match play Pierre-Alexandre Bédard, Kevin Fortin-Simard? Ça pourrait voir le jour. Ben, écoute, de ce côté-là, là, nous autres, là, je suis pas en mesure immédiatement de te dire, on m'a briefé là, sur différentes choses, entre autres le Weekend Golf qui va être de retour. L'an passé, le Weekend Golf est là, mais il y avait des modifications. Si je me fais au président, il veut même l'augmenter. Dans l'entrevue que j'ai faite. Ben, c'est ça. Par rapport à l'année passée, là, il va être bonifié, effectivement. Là, ça, là, ce qu'on a parlé, là, ce qu'on m'a dit, là, c'est que c'est ça. Mais le Weekend Golf, on l'a donné à des promoteurs qui eux autres vont en prendre charge. Okay. Ils ont vraiment une panoplie. Là. J'ai vu un peu là, l'horaire, là, grosso modo, rapidement, là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'activités, là, toutes à partir du jeudi à aller jusqu'au dimanche. Me dire une chose, ça va être va avoir des activités, c'est à peu près une après l'autre. Là. Le seul chose que je sais, là, bon, il y avait le tournoi, il y avait le concours des long drives, des longs frappeurs. Ça revient pas, ça sera pas là. Mais je peux te dire une chose, là, il y a un paquet d'autres activités, ils ont changé différentes affaires, ça va être assurément tout qu'un week-end, là, la ville de Saint-Prime va être golf, là. Ce week-end-là, ça c'est clair et net, on va en entendre parler partout, autant en région qu'au niveau provincial. Fait que c'est des dates qui sont à se rappeler, là, si je me trompe pas, le premier week-end, là, de la... C'est à peu près du tour du 20 juillet, de la construction, là, ouais. Coin du 20, là, aux alentours d'eux, là, le troisième week-end de mémoire de juillet. OK. C'est un week-end à ne pas manquer, je peux te le dire, là, puis à mettre les amateurs de golf, faut mettre ça à leur agenda parce que ça va se passer à Saint-Prime, assurément. Junior, est-ce que, là, je rêve, là, mais c'est une question que je pose, tu sais, il n'y a rien qui empêche de rêver, là. Est-ce que, un omnium McKenzie à Saint-Prime, McKenzie Tour, tu sais, c'est quoi, là, le circuit, là? Oui, provincial, est-ce que ça pourrait être envisageable, compte tenu qu'on a deux athlètes, justement, du lac? On parle d'un circuit national, ça. Ouais, mais ça va à Rivière-du-Loup, ça va. Ouais. Éventuellement. Écoute, faudrait, là, à court terme, je pense pas. À court terme, je ne le pense pas. Eux, là, ils ont des caractéristiques en termes de distance qu'on est obligé de respecter, là, fait de longueur de terrain, etc., etc. Okay. Je connais pas les obligations à ce niveau-là. Fait que, à court terme, là, je te dirais non, là. Faudrait plus débuter par une compétition d'ordre provincial. Avec Kevin, là, ça, c'est peut-être plus dans la mire, là, une compétition, je dirais, là. Exemple, un championnat junior provincial, des choses comme ça. Mais c'est encore là, il y a un paquet de contraintes reliées à ça. Faut voir les pots, faut voir les comptes qui sont reliés à ce genre de choses-là, parce que il y a des coûts quand même reliés à ça. Et l'autre élément qui est important, c'est de se dire, c'est qu'il y a également, tu sais, t'es obligé, là, pendant pratiquement des fois une semaine, on sait, l'année passée, là, ils ont eu le championnat provincial junior, puis ils ont été une semaine que les membres sont obligés de laisser le terrain aux jeunes, là, puis c'est bien correct, là, mais c'est sûr que ça dérange, veux pas, t'as des pertes de revenus, puis tu sais, c'est pas des tournois qui sont faits, là, au mois d'octobre, là, puis au mois d'avril, là, c'est des tournois qui sont au cœur de la saison. Fait que tu sais, c'est des éléments que, oui, t'amènes du prestige, mais au final, est-ce que c'est réellement rentable? Faut y réfléchir, là, tu sais, faut le regarder avant de s'embarquer dans un pareil show, okay. Un pareil tournoi, là. C'est un mandat de un an, c'est un mandat de toi, t'as signé un contrat? On s'est embarqué, on s'est de commun accord, là, on s'est dit qu'on débuterait avec une année, voir comment ça allait aller d'un côté comme de l'autre, puis on verra à la fin de la saison, là, comment ça va, là, tu sais, mais on voulait pas, je pense que ça donne à rien, là, d'aller trop rapidement là-dedans, là, pour signer pour quelques années, là. Je pense que c'est correct comme ça d'y aller avec une saison. On était ben d'accord avec ça, là. Ben, il y a la chronique du club de golf de Saint-Prime qui va recommencer. Normalement, c'est tous les mardis, Junior. Fait que ça va être avec toi cette année. Ben content du retour de Junior Junot à Dan Radio Sport. Bon, mais ça me fait plaisir, mon cher ami. Puis, on se parle bientôt. La saison s'en vient à grands pas. Là. Ça ne donne rien. Mais d'ici un mois et demi, là, on va être à l'aube d'une autre saison. Fait que ça me fera plaisir de collaborer avec toi, mon ami. Yes, Junior Junot, le directeur général du club de golf de Saint-Prime.